Salut les gars, salut, c'était vraiment bien. Ce matin, je suis déprimée. Allô? I am sitting in the morning at the diner round the corner. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Moi j'avais dit Power Rock, Queen et Scorpion. Bah puis là, tu parles et tu peux être enregistré, on sait pas. Vas-y, préviens l'agence d'Orange. Oui. 24 novembre 2016, ma première journée sans gobelet. Et... Un vrai cri. Un petit mot pour l'enregistreur. Je peux parler de l'ESC? Non, je sais pas. Ah! Castagnier. Ventrôle. Ici, on n'est pas en famille. Fermerie. Boule. Je répète. J'ai faim. Mange un cul. Maintenant la milliard max de son mec. Timothée Tinsgeg. Jackie. T'as 4 L. T'as 4 L. Jackie. T'as 4 L. Elle est pourrie. Carré. Madame Castanet, je t'aime. Madame Castanet, on t'aime. T'es une caméra cachée, expérience sociale. J'ai Will Smith qui toque à la porte. Oh putain, c'est arrivé. Et non, c'était une caméra cachée. Yo, c'est Guise la banquise. Ok, ça part sur un 16 mesures là. Je roule en limousine, toi t'as même pas de caisse. Tu touches le smic, je mange pas chez Hermès. Vas-y Claire, ça comme elle, c'est Pluton. Et merci César pour ce freestyle. On est en plein dans le sujet. Mais donc Dédé, je te confierai pas la cave, hein. Dédé, l'aine de sang, j'aimerais pas la monter à vélo. Mais donc le chien, t'es dégueulasse. Pas ta merde. Je buvais. Patricia, tu peux m'amener un café, s'il te plaît? Si on veut enregistrer, on appuie. Oh, on va manger des paquets de chips. Mélissandre, je sais que t'es en bas en train de manger. Je buvais! Je buvais! Mimi! Pourquoi tu fais ça, Mimi? J'ai compté les paquets de chips, il y en avait 6. Non, moi j'ai compté les paquets de chips, il y en avait 5. Pourquoi tu fais ça, Mélissandre? Mais j'y arrive pas! Tu es grosse, Mélissandre! T'es trop drôle, Hugo! Didier, le gigot est prêt! Trébi, ta voix me donne envie de manger des Maltesers. Ah! On est dans le sujet. Et salut, c'est Skyrock, vous avez gagné plus de 1 million d'euros. Et non, c'était une caméra cachée, la caméra est juste là. Je dis que tous ceux qui ont des vélos chez eux sont des cons. Pardon Jésus. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lopez Jo. Quand j'ai A-L-C-O-O, vous dites L. A-L-C-O-O. L. Quand je dis faux, vous dites que faux. Que. Ouais. Moi je m'appelle Lopez Jo. La carotte était morte, tu vas manger. Oh, oh. Je répète. Allô? Allô? Ici l'enregistreur, ici l'enregistreur. Non, ça, ça enregistre. Fais-moi rire. Il est con. Madame Castanet. Fais-moi rire. Chérie, fais-moi peur. Je la vois encore. Non. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des terrières, des photos sur le bord de mer. Voilà. Waouh. Ouais, on fume un gros joint là au quartier. On est au terre-terre. À la chicha. On chichote. Ça sent la bœuf, hein. Tu la mets ensemble. Alors, c'est 14 points. C'est pour faire quoi? Oui, la peine de oui, du coup, on parle de quoi? Alors, nous appelons Sylvain, enfin, lui s'appelle Sylvain, et moi c'est Julien Flore. Il y a Florian, Sylvain, du coup, Ramirez. Florian, après, il y a Florian, il y a Chloé. Chloé, elle pète. Elle a pété en français tout à l'heure. Chloé, elle a pété. Après, il y a Mathilde Savard. Kylian. Après, Kylian. Jérémy, le Tug. Ulrich. Et le petit épi, il passe bien. Et le petit épi. Voilà. Et voilà. Alan. Madame, on a présenté la classe. La raison de la classe, là. Il y a Marine. Marine. Cécile. Cécile et Alan. Alan, il fait de la muscu. Alan, il fait de la muscu, ouais, il est frais. Ouais. Cécile, elle boit du thé vert. Il y a des coquilles bleues. Tu bois du thé vert, on a dit. Oui. Mathilde. Je sais pas, je me regarde plus. Ça enregistre. Tu ranges toutes tes petites affaires. Ouais. Ça enregistre. On dit ce qu'on veut dans ce truc. Ah oui, ça a l'air rigolo. C'est rigolo. Il serait, il n'y a qu'à faire comme ça. Comme ça hein? Okay. Là, j'enregistre là. Est-ce que ça marche? On ferme le café là. Allez, on rentre. Bon gueule. Bien voir les comédiens. Bien le bonjour, mademoiselle. Ça y est, ça marche. Je le refais. Enzo, arrête, tu vas te faire décalquer. Tu vois? Quand on appuie là, ça marche. Enzo pue. Enzo pue. J'aime pas les bicots. Nique les arabes. Ta gueule. Ça va, Ambre? Oh, le Sancho. Je vais leur faire un concert. Non mais attends, après il y a des gens qui vont l'écouter. Si on veut, mais on saura pas qui sera passé. C'est pas moi. And I Je sais pas, c'est qui a créé ça, mais la vie c'est bidon. Celui qui a créé ça est nul. Non, je rigole, c'était bien. Attends, je veux l'ouvrir. Mais attends, mais pose-le. Non, je veux l'ouvrir. Attends, pose-le. Mais maman. Mais pose-le. Loin. Adore le bico qui pue. C'est quoi à l'intérieur? C'est quoi? C'est... C'est un truc pour enregistrer. La prochaine fois, c'est Adam qui décide. C'est une connerie. Taisez-vous. Tes yeux sont aussi bleus que la veine qui parcourt ma queue. Tes yeux sont aussi bleus que la veine qui parcourt ma queue.